Alphonse Daudet, Lettre de Montmoulin à l'Esper. L'Esper. Quel joli nom pour désigner l'affût, la tente du chasseur embusqué, et ses heures indécises où tout attend, espère, hésite, entre le jour et la nuit, l'affût du matin un peu avant le lever du soleil, l'affût du soir au crépuscule. C'est le dernier que je préfère, surtout dans ces pays marécageux où l'eau des clairs garde si longtemps la lumière. Quelquefois, on tient l'affût dans le nez gauchin, un tout petit bateau sans quille, étroit, roulant au moindre mouvement. Abrité par les roseaux, le chasseur guette les canards du fond de sa barque, que dépasse seulement la visière d'une casquette, le canon du fusil et la tête du chien flairant le vent, happant les moustiques, ou bien de ses grosses pattes étendues penchant tout le bateau d'un côté et le remplissant d'eau. Cet affût-là est trop compliqué pour mon inexpérience. Aussi, le plus souvent, je vais à l'Esper à pied, barbotant en plein marécage avec d'énormes bottes taillées dans toute la largeur du cuir. Je marche lentement, prudemment, de peur de m'envaser. J'écarte les roseaux pleins d'odeurs saumâtres et de seaux de grenouilles. Enfin, voici un îlot de tamaris, un coin de terre sèche où je m'installe. Le garde, pour me faire honneur, a laissé son chien avec moi, un énorme chien de berger à grande toison blanche, chasseur et pêcheur de premier ordre, et dont la présence ne laisse pas que de m'intimider un peu. Quand une poule au dos passe à ma portée, il a une certaine façon ironique de me regarder en rejetant en arrière, d'un coup de tête à l'artiste, deux longues oreilles flasques qui lui pendent dans les yeux, puis dépose à l'arrêt des étillements de queue, toute une mimique d'impatience pour me dire « Tire ! Tire donc !» Je tire, je manque. Alors, allongé de tout son corps, il bâille et s'étire d'un air las, découragé et insolent. Eh bien oui, j'en conviens, je suis un mauvais chasseur. L'affût pour moi, c'est l'heure qui tombe, la lumière diminuée, réfugiée dans l'eau, les étangs qui luisent, polissant jusqu'au ton de l'argent fin, la teinte grise du ciel assombri. J'aime cette odeur d'eau, ce frôlement mystérieux des insectes dans les roseaux, ce petit murmure des longues feuilles qui frissonnent. De temps en temps, une note triste passe et roule dans le ciel comme un ronflement de conque marine. C'est le butor qui plonge au fond de l'eau son bec immense d'oiseau pêcheur et souffle. Des vols de grues filent sur ma tête, j'entends le froissement des plumes, l'ébouriffement du duvet dans l'air vif, et jusqu'au craquement de la petite armature surmenée. Puis, plus rien, c'est la nuit profonde, avec un peu de jour resté sur l'eau. Tout à coup, j'éprouve un tressaillement, une espèce de gêne nerveuse, comme si j'avais quelqu'un derrière moi. Je me retourne et j'aperçois le compagnon des belles nuits, la lune, une large lune toute ronde qui se lève doucement, avec un mouvement d'ascension d'abord très sensible et se ralentissant à mesure qu'elle s'éloigne sur l'horizon. Déjà un premier rayon est distinct près de moi, puis un autre un peu plus loin. Maintenant, tout le marécage est allumé. La moindre touffe d'herbe a son ombre. L'affût est fini. Les oiseaux nous voient. Il faut rentrer. On marche au milieu d'une inondation de lumière bleue, légère, poussiéreuse. Et chacun de nos pas dans l'éclair, dans les roubines, y remue des tas d'étoiles tombées et des rayons de lune qui traversent l'eau jusqu'au fond. Thank you. Thank you.